Ici Bernard de LibriVox.org. Vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de l'Avenir. Bonjour et bienvenue en ce 19 février 2010 au podcast des éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Merci à Bernard pour avoir introduit cette émission. Bernard sévit principalement chez LibriVox.org. On lui doit d'ailleurs deux excellents Jules Verne, toujours chez LibriVox. Pour nous, Bernard a prêté sa voix au prof informatique d'un complot sur Alpa, au lieutenant Weber et à un chasseur dans les arènes d'eau Bioche, et il incarnera le ministre des Finances dans les prochaines aventures de l'Estrade, agent très spécial. Avant de passer à l'objet de cette émission, laissez-moi vous toucher un mot d'une sympathique petite communauté de volontaires qui prêtent leur voix à divers projets de doublage. Il s'agit de la bande de doublage libre, comédiens-doubleurs amateurs. Le groupe s'entraide, fournissant des voix à des personnages animés de leur cru, machinima, ou carrément à des personnages de dessins animés qui n'ont jamais été traduits en français, ce qu'ils appellent du fan-dubbing. L'entreprise est sympathique. Une autre bande passionnée comme je les aime. Allez jeter un regard sur leur blog à doublagelibre.canalblog.com et sur leur forum à doublagelibre.forumactif.com/forum.htm. La semaine dernière, après avoir effectué les réparations sur le cœur de Fomalo, Steve et Mazas quittèrent Osilax quelques heures pour effectuer dans l'espace des tests sur le petit vaisseau. Pendant ce temps, leurs compagnons demeuraient sur Osilax et promettaient au pilote et à l'agent de l'OMU un succulent repas, résultat de la partie de chasse dans laquelle ils se lançaient avec un plaisir évident. Mais Mazas et Steve perdent leur contact avec leurs compagnons et aussitôt l'inquiétude les gagne. Retour précipité sur Osilax pour se rendre compte que Kalec, Corton et Goral ont disparu sans laisser de traces. Les retrouveront-ils? Et si oui, dans quel état? Les éditions de l'Avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. Chapitre 3, quatrième partie. Leur nuit fut agitée et pas vraiment reposante. Dès que le pâle soleil d'Osilax commença à monter au-dessus de l'horizon, ils étaient déjà prêts à repartir. Steve proposa « Nous pourrions emmener un des robotech avec nous. Ces détecteurs permettront peut-être de trouver des traces que nous sommes incapables de déceler. »« On ne risque rien à essayer. » concéda la jeune femme. Quelques minutes plus tard, encadrant le technicien électronique, ils se dirigèrent vers l'endroit où ils avaient perdu ce qu'ils pensaient être des traces de leur compagnon disparu. Dès qu'il eut été programmé pour sa recherche, le robot entama un parcours circulaire avant de désigner une direction, presque à angle droit avec le tracé primitif des trois sillons parallèles. « Tu es certain de cette orientation ?» La machine se contenta de confirmer. Escortés par leurs compagnons de métal, les deux jeunes gens suivirent le cap qui leur avait été indiqué et au bout d'un kilomètre environ, retrouvèrent dans le sable pulvérulent le triple sillage qu'ils recherchaient depuis la veille. « Là, regarde !» Les traces reprennent. Bon sang, ce n'est pas par là que j'aurais cherché. Cela prouve tout simplement que nous avons affaire à des adversaires très malins. Arrête, Mazas. Tu sais comme moi que ce monde est désert. Alors, explique-moi la raison de ce changement de direction, dans la caillasse, à un endroit où nous n'avions aucune possibilité de savoir vers où les traces se poursuivaient. Eh bien... Mazas lui lança un regard ironique. Eh oui, mon joli, ton monde désert ne l'est pas. Le pilote la contempla, les yeux ronds comme des boules de loto. Quoi ? Tu veux dire que... Il y a des habitants sur Osilax. Mais c'est complètement impossible ! Une mission a séjourné sur cette planète pendant des années et le résultat de son étude était formel. Il n'y a aucune créature pensante sur ce fichu caillou. Ce qui prouve que les scientifiques ont mal fait leur boulot ou que les indigènes sont particulièrement doués pour se planquer. J'espère quand même que tu te trompes. C'est évidemment toujours possible, mais je suis sûr que le cerveau P de ton vaisseau en tirera les mêmes conclusions que moi, si tu l'interroges. Déjà plus qu'à moitié convaincu, le pilote se mit en contact avec la positronique auquel il soumit leur problème. La réponse fut quasi instantanée. Avec 97% de certitude, la machine donnait raison à Mazas. Celle-ci ne fit aucun triomphalisme. Il reste quand même 3% d'erreurs possibles, mais je ne pense pas qu'on puisse en tenir compte. Évidemment. Mais il reste à trouver où se cachent ces indigènes, puisqu'il semble bien qu'il en existe. On en saura sans doute plus en suivant les traces jusqu'au bout. Mais nous avons d'ores et déjà intérêt à augmenter la puissance de nos écrans défensifs individuels. Ce qui fut aussitôt fait. Puis, ils reprirent leur traque et tombèrent en arrêt devant la carcasse à moitié dévorée d'un animal. Celui ou celle qui a cassé la croûte devait être de belle taille, estima Steve, en considérant les marques laissées par les dents sur les lambeaux de chair qui tenaient encore sur le squelette. Pendant 3 kilomètres environ, ils survolèrent le triple sillon. Puis, celui-ci s'interrompit soudain, en arrivant au contrefort de la haute paroi rocheuse, à l'abri de laquelle ils avaient effectué les réparations du cœur de Fomalo. Ah ben ça alors ! Ils ne se sont quand même pas envolés ! Non, sans cela, ils l'auraient fait avant, plutôt que de trimballer les corps de nos amis sur plusieurs kilomètres. Le robot et les deux humains se mirent à scruter les environs immédiats de la fin de la piste, mais malgré la minutie de leurs recherches, ils ne trouvèrent aucun indice. Ils poursuivirent leurs recherches parmi les énormes blocs rocheux qui formaient une sorte de ligne de défense pour parvenir au pied de la paroi abrupte dont le sommet disparaissait dans une brume épaisse. Ce qui constituait un phénomène plutôt étonnant, compte tenu du fait que le ciel était dégagé au-dessus de la forêt et de la partie dénudée où ils avaient posé le vaisseau. Explorant un terrain de plus en plus vaste à partir de l'endroit où s'arrêtaient les traces, ils s'éloignèrent progressivement les uns des autres. De temps en temps, ils s'appelaient sur leur minicom, plus pour rompre un silence qui devenait pesant que pour signaler un fait nouveau. Mazas venait de se glisser dans une sorte de tunnel formé par l'amoncellement de 3 ou 4 rochers quand un feulement la mit en alerte. Elle se laissa tomber sur le dos, son radiant au point. Une ombre énorme passa dans son champ de vision et la jeune femme écrasa la détente de son arme. Le rayon pourpre qui en jaillit traversa le corps de l'espèce de tigre qui avait jeté son dévolu sur elle. Sans un cri, le grand animal rebondit contre l'un des rochers et glissa jusqu'au sol où il s'immobilisa après quelques mouvements spasmodiques des pattes arrière. Alerté par le bruit caractéristique de l'arme, Steve se rua vers l'endroit où venait de se dérouler le bref drame. Il y trouva sa compagne, penchée sur un animal de grande taille au pelage gris et à la tête au museau allongé. De formidables crocs débordaient de babines retroussées. « Joli tableau de chasse !» apprécia le pilote. « Décidément, depuis le début de cette mission, je suis voué à servir de repas à un quelconque carnassier. » Jusqu'à présent, ils t'ont trouvé plutôt indigeste. En tout cas, celui-ci avait une superbe dentition. Je regrette un peu de l'avoir tué, car je n'y risquais rien avec ma combinaison et mon écran défensif. Mais j'ai réagi instinctivement quand je l'ai entendu. Comme il la regardait d'un air surpris, elle expliqua. « Je n'aime pas tuer sans raison. » Puis elle ajouta, après un court silence, « Je me demande bien ce que pouvait faire cet animal dans cette zone désertique. »« Je suppose qu'il cherchait une proie. » »« Les félins d'Ozilax ne doivent pas être plus idiots que les terraniens. Il n'y a rien à manger par ici. Alors, s'il traînait dans ce secteur, c'est qu'il y a été attiré par quelque chose ou quelqu'un. » Tu veux dire que... Il est tout à fait possible qu'il ait pisté ceux qui ont enlevé nos amis. Dans ce cas, il ne les a pas rattrapés. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont envolés. Tu viens d'avoir le mot juste. Ils se sont envolés, ou plutôt, ils ont escaladé la paroi. Comment? Nous avons cherché partout alentour, aidés par les détecteurs hypersensibles du robot. En vain, ce qu'il est supposé qu'à partir de l'endroit où s'arrêtent les traces... Ils n'ont plus progressé sur le sol. S'ils possédaient des engins volants, ils ne se seraient pas escrimés à traîner les trois corps sur plusieurs kilomètres. On peut donc en déduire que les indigènes sont suffisamment primitifs pour ne pas utiliser d'engins de locomotion. Et, à partir de ce moment-là, il ne leur reste plus que leurs bras et leurs jambes pour compenser le manque de moyens techniques. Comme ils ne sont pas restés sur le plancher des vaches, ils ont forcément grimpé là-haut. Le jeune homme émit un sifflement admiratif. Eh bien, ma jolie, il y en a dans cette petite tête. Quand tu seras redevenu sérieux, on pourra peut-être commencer l'exploration de cette muraille rocheuse. Malgré sa conviction que les ravisseurs n'étaient pas montés aussi haut, Mazas envoya le robot vérifier s'il y avait des traces au sommet de la montagne, dans la partie cachée par la brume. Soutenu par ses antigés, le serviteur de métal s'éleva le long du flanc rocheux et disparut bientôt dans la ouate qui couronnait les sommets. On va se délimiter des portions de parois que nous allons étudier l'une après l'autre. Je suis presque sûr que nos amis ont été entraînés au cœur de la montagne et que dans ces falaises noires, aux roches déchiquetées et à la végétation rabougrie poussant à même le roc, se dissimule le passage qu'on les a obligés à emprunter. Ils contemplèrent pendant quelques instants l'énorme masse creusée de failles et de cavernes, piquetée de bouquets d'arbres aux formes torturées qui les surplombaient. Ils ne purent s'empêcher de se sentir quelque peu impressionnés par la majesté glacée des lieux. Mazas ne s'attarda pas sur ses sentiments. Elle désigna un point précis du mur rocheux à Steve. « Commence de ce côté. » En t'éloignant progressivement vers la gauche, je vais partir du même endroit en balayant la surface vers la droite. Le premier qui aperçoit quelque chose de suspect appelle l'autre. D'accord. Et en ce qui concerne le Robotech ? S'il découvre quelque chose, il nous en avertira. S'il ne trouve rien, ce qui est mon avis, il retournera au vaisseau en attendant qu'on lui signale qu'on a besoin de lui. Ils s'élevèrent lentement en scrutant tous les recoins de rochers, en vérifiant si les touffes d'arbustes ne dissimulaient pas l'entrée d'une grotte ou d'un passage. Ils s'introduisaient dans les failles et les cavernes, s'assurant qu'elles étaient vides. Au bout d'un moment, Steve se rapprocha de sa compagne. Ce n'est pas possible! Cette montagne est percée d'autant de trous qu'un fromage de gruyère. S'il se trouve quelque part là-dedans, on peut se préparer une sacrée partie de cache-cache. Défaitiste! Peut-être, mais as-tu aussi pensé que tu pouvais te tromper et que nous cherchons au mauvais endroit ? Elle poussa un profond soupir. Je passe mon temps à y songer. Il hocha la tête à plusieurs reprises et retourna dans le secteur qu'il devait explorer, se glissant dans les fissures et testant tous les bouquets de végétation avec une rage accrue. Soudain, il sentit vibrer le minicom à son poignet. Oui ! Steve, viens vite, je crois que je tiens quelque chose. Il ressortit précipitamment de la caverne en cul-de-sac qu'il était en train de fouiller et se dirigea vers l'emplacement où il avait laissé Mazas. Celle-ci était hors de vue. Où es-tu ? Par ici ! S'approchant, il aperçut un bras qui lui faisait signe. La jeune femme se tenait sur un éperon rocheux, encombré de pierres de toute taille. Regarde ! Elle lui désigna une ouverture basse et étroite,